تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن أبي عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Le guide des croyants en matière de hadith, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit: chapitre, la lecture et l'exposition au savant ou à celui qui rapporte les hadith. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a narré, a rapporté une chaîne de transmission remontant jusqu'au compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit: tandis que nous étions assis en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, un homme sur son chameau est entré. Il a fait agenouiller son chameau dans la mosquée, puis il l'a attaché. Puis il leur a dit: lequel de vous est Mohammed? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était adossé parmi ses compagnons. Nous avons dit: il est cet homme. Il est cet homme blanc adossé. Et l'homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que tu es le fils de Abd al-Muttalib? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, je t'ai répondu, c'est-à-dire, c'est moi-même. Et l'homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam: certes, je vais te poser des questions et je vais te presser en question, et ne trouve rien en toi-même et ne ressens rien en toi-même, quoi que ce soit contre moi. Il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam: interroge en bon ce qui te semble. Et l'homme a dit: je te demande par ton Seigneur et par le Seigneur de ceux qui sont venus avant toi, est-ce que Allah t'a envoyé à tous les gens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, effectivement. Ensuite l'homme a dit: je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné que nous accomplissions 5 prières de jour et de nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, effectivement. Ensuite l'homme a dit: je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné que nous jeûnions ce mois durant l'année? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, effectivement. Il a dit l'homme: je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné que tu prennes cet aumône de nos riches et que tu la distribues à nos pauvres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, effectivement. Et l'homme a dit: j'ai foi en ce que tu es venu, ou avec ce quoi tu es venu. Et je suis messager, missionnaire de ceux qui viennent après moi parmi mon peuple. Et je suis d'Imam ibn Tha'laba, frère des Bani Sa'd ibn Bakr. Fa al-usbu' al-madi, tawaqafna fi hadha al-hadith, inda qawli, عند قول الرجل عندما قال: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فنستمر في ما بقي من هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، أي آمنت بالرسالة وبالصلاة وبالصوم وبالزكاة. وهنا في هذا الحديث لم يذكر الحج فبعض أهل العلم قالوا لم يفترض الحج في هذه السنة ولكن الصحيح كما جاء في صحيح مسلم جاءت بعض الروايات ذكر الحج ففي هذا الحديث بيان أن هذه الأمور التي سألها عنها السائل من أصول الشريعة وهي أركان الإسلام الرسالة بمعنى التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج. Et donc, la semaine dernière, on s'était arrêté concernant le hadith lorsque l'homme a dit « Est-ce que Allah t'a envoyé pour que tu prennes cette aumône de nos riches que tu la distribues aux pauvres ?» Donc on va poursuivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, effectivement. » Ensuite, l'homme a dit « J'ai foi avec ce quoi tu es venu. » C'est-à-dire que l'homme, ici l'imam ibn Tha'laba, a eu foi au message, avec le message avec lequel est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam. La prière, le jeûne et l'aumône, la zakat. Mais ici, dans le hadith qu'on a lu, le hadith qui a rapporté, le hadith qui a rapporté Al-Bukhari, rahimahullah, ici, il n'a pas évoqué dans ce hadith le pèlerinage. Certains gens de science ont dit qu'à cette époque, le pèlerinage n'était pas encore obligatoire. Mais d'autres ont dit que dans ce hadith a été mentionné le pèlerinage, mais cette mention se trouve dans des variantes rapportées par Muslim dans son sahih. Et donc, on comprend que de ce hadith, que dans ce récit, il y a la mise en évidence de points dont le questionneur a questionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces points sont les bases de la législation. Et ces bases sont les cinq piliers de l'islam. Thumma qala wa ana rasulun min wara wa ana rasulun min man wara'i min qawmi wa ana rasulun min wara'i min qawmi. Ay هنا يقوم هذا الرجل يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه ويبين لهم هذا البيان فلهذا تأكد من صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفقه أن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite, l'homme a dit, et je suis le messager ou le missionnaire de ceux qui viendront après moi parmi mon peuple. Le sens, ici comme l'ont dit les gens de science également, c'est-à-dire que cet homme, il va donc tenir place du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam auprès de son peuple. Et il va leur éclaircir ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que cet homme a vérifié, il s'est authentifié de ce quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme si il avait demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de lui accorder, de lui permettre et de lui autoriser de dire, de rapporter ce quoi le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit. Voilà comme l'ont expliqué certains gens de science, cette propos. Ensuite, il a dit « Wa ana dimam ibn Tha'laba, akhu bani Sa'd ibn Bakr. » Ensuite, l'homme a dit « Je suis, ou je me nomme, dimam ibn Tha'laba, le frère de bani Sa'd ibn Bakr. » Faqala aydan, ahlu al-ilm, jawaz ذكر جواز ذكر الاسم جواز ذكر الإنسان اسمه ولكن على وجه الافتخار يكون حراما. Et donc certains gens de science ont dit il est permis que l'homme quand il se présente qu'il puisse mentionner son nom comme ici. Il a mentionné son nom. Ceci n'est pas blâmable. Mais si la personne, donc, mentionne son nom, mais ceci d'une manière arrogante, ou même pour s'enorgueillir, alors ceci est illicite et haram. Idan, fi hadha al-hadith, أو في هذه القصة بيان وجوب تعليم العلم ونشره على من يملك القدرة العلمية فإن الناس يحتاجون إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا السائل وأجاب على أسئلته ليعلم ويعلم من ورائه فلا يطلب العلم إلا للعلم به والدعوة إليه. Et donc dans ce récit qu'on a vu, on voit, il y a une mise en évidence de l'obligation d'enseigner la science et de la propager, de la diffuser. Mais celui qui a les capacités scientifiques, c'est-à-dire celui qui a de la science. Car les gens ont besoin de cette science. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à cet homme, il l'a enseigné. Il lui a également répondu à ses questions, afin que cet homme apprenne et que cet homme l'enseigne à ceux de son peuple. Et donc, il faut savoir que la science n'est recherchée. La science n'est recherchée que pour accroître ses connaissances et pour la diffuser. Aïdan fi hadhihi al-qissa. التغريب في الجلوس في المساجد لنشر العلم والتعليم الجاهل وإفتاء المستفتي وإجابة السائل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في جل أوقاته يجلس في المسجد ويعلم الجاهل ويفتي المستفتي ويجيب السائل ويرسل السرايا ولنا فيه الأسوة الحسنة فقد قال الله عز وجل لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعني نحن علينا أن نحرص على سمع حلقات العلم في المساجد مع العلماء والطلاب العلم، فإذا جلس العلماء والطلاب العلم للناس في المساجد جلس الناس إلى العلماء والطلاب العلم، والذي لا يجلس للناس لا يستفيد أحد من علمه ولو كان عالما مبرزا. Et donc également dans ce récit, on voit l'incitation, l'encouragement à s'asseoir dans les mosquées, dans les assises de science, afin que la science soit diffusée, également pour répondre aux questions, afin pour rendre des décisions juridiques, des fatwas, également pour enseigner à l'ignorant. Et c'est pour ce fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la majeure partie de son temps, il restait dans la mosquée afin d'enseigner l'ignorant, de répondre aux questions et également de rendre des décisions juridiques, des fatwas. Et même de la mosquée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des esclaves. Et donc, nous avons en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple, un excellent modèle à suivre. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et certes, vous avez en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour celui qui espère Allah et le jour dernier et qui mentionne énormément Allah. Et donc, c'est-à-dire nous, on doit être désireux d'établir dans les mosquées des assises de science en compagnie de savants, en compagnie d'étudiants de science. Car si le savant ou si l'étudiant de science s'assoit dans les mosquées, les gens viendront et les gens s'asseyront auprès de ce savant. Ils écouteront ce que dit ce savant. Ils pourront lui poser des questions. Et même ce savant leur rendra des décisions juridiques, des fatwas. Et si maintenant, le savant ou l'étudiant de science ne s'assoit pas dans la mosquée, alors les gens, ils ne pourront pas profiter de sa science. Et même si ce savant excelle en science, وأيضا وتكون هذه الفائدة الآخرة. Et également, ça sera la dernière utilité de ce hadith. ثم ننتقل إلى الباب التالي. Puis on passera au nouveau chapitre. ففي هذا الحديث أيضا مشروعية التعليم بما علمته أن تعلمه غيرك ممن يحتاجون إليه كما فعل ضمام بن ثعلبة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسل من ورائي من قومي فأولى الناس بتعليمك له قرابتك فمجتمعتك فلهذا قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين فهذا الرجل السائل قال أنا رسول من ورائي من قومي فليبدأ الإنسان في التعليم بالأقرب فالأقرب ثم ينتقل في تعليمه حسب قدرته واستطاعته فالمعلم أينما حل فإن الناس يحتاجون إلى علمه لينتفعوا به. Et donc, concernant la dernière utilité, remarque de ce hadith, c'est la légitimité d'enseigner en ce que tu as appris, d'enseigner ce que tu as appris à ceux que tu peux, à ceux que tu peux donc, ou à ceux qui ont besoin de cette science, plutôt, à ceux qui ont besoin de cette science. Et c'est pour cela l'imam Ibn Tha'laba a agi ainsi. Il est reparti vers son peuple pour leur enseigner ce qu'il a appris du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il a dit « Je suis un messager ou missionnaire pour ceux qui viennent après moi de mon peuple. » Et donc, on comprend que les premières personnes qu'on doit enseigner, qu'on doit leur apprendre la religion, ce sont nos proches. Épouse, enfant, parents, oncle, tante, frères, sœurs et autres. Et vient ensuite la société où tu te trouves. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et averti les gens qui te sont les plus proches. Et c'est pour cela que cet homme qui a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis un messager missionnaire pour ceux qui viennent après moi de mon peuple. Et donc l'individu, l'homme commence lorsqu'il enseigne par les plus proches et ainsi de suite. Et ensuite il peut enseigner à ceux qu'il peut selon sa capacité et ses possibilités. Et donc l'enseignant, là où il se trouve, les gens ont besoin de lui, ont besoin de sa science, afin qu'ils en tirent profit. فَالْأَنْ نَنْتَقِلُوا إِلَى بَابِ ثَامِنِ. Donc nous allons passer au chapitre 8. قَالَ البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس نسخ عثمان المصاحف ف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديثين: الأول حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحدثت أن ابن المسيب قال: فداعى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مخطوما، فاتخذ ختاما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. إذن البخاري رحمه الله تعالى أدي chapitre ce qui est mentionné concernant le don. Inch'Allah, dans quelques instants, nous allons l'expliquer. Et l'écriture ou l'ouvrage scientifique des gens de science qu'ils envoient dans les pays. Il a dit, Anas a dit, Othman, c'est-à-dire Othman ibn Affan, radiallahu anhu, a retranscrit les masahif. Les masahif, donc ce sont les ouvrages où est renfermée la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le Coran. Et il l'a envoyé dans des pays lointains. Abdullah ibn Omar et Yahya ibn Sa'id et Malik jugeaient cela permis. Et certains gens de la péninsule arabique se sont argumentés pour cela, c'est-à-dire pour le don du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé ou lorsqu'il a écrit au chef de l'escadron un livre. Et il a dit: ne le lis pas jusqu'à ce que tu atteignes tel et tel endroit. Et lorsque ce chef a atteint cet endroit, il l'a lu aux gens et il leur a informé de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté deux hadiths. Il a rapporté deux hadiths. Le premier, il a cité une chaîne de transmission remontant jusqu'au compagnon Abdullah ibn Abbas qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme avec un livre et lui a ordonné de le remettre au gouverneur du Bahreïn. Le Bahreïn, c'est un pays qui se trouve dans le golfe Persique. Et ce gouverneur du Bahreïn l'a remis à Kisra. Kisra, c'est l'empereur de celui qui gouvernait la Perse. La Perse, dans notre époque, c'est les pays comme l'Iran, l'Afghanistan et autres. Falamma qara'ahu, et lorsque donc ce gouverneur, qui se nomme Kisra, l'a lu, il l'a déchiré. Et Ibn al-Musayyib, qui est un rapporteur de hadith, a dit, je pense que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Allah contre eux. Et il a invoqué que Allah donc les intègre totalement. Ensuite, il a cité un deuxième hadith, Al-Bukhari rahimahullah. Le compagnon Anas ibn Malik a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit un livre où il a désigné et on lui a dit, c'est-à-dire les compagnons, certes, ils, c'est-à-dire à ceux qui voulaient envoyer des livres, certes, ils ne lisent les livres que s'il est cacheté ou s'il est tamponné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris une bague en argent où était gravé Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Et Anas ibn Malik a dit, c'est comme si je voyais la blancheur de cette bague ou la blancheur de cet argent en sa main. Et Qatada, et j'ai dit à Qatada, qui a dit sa gravure, où était gravé Muhammadun Rasulullah. Il a dit Anas. Idan, huna, عندما قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان فهنا بابان أبواب التحديث عن العالم الباب الأول هو المناولة والمناولة هو أو هي أن يدفع الشيخ مصنفه أو مصنفا تلقاه عن أشياخه إلى تلميذه مقرونا بالإذن فيقول الشيخ لتلميذه خذ هذا الكتاب فرويه عني وفي هذه الحال يقول التلميذ حدثني فلان مناولة لأنه لم يقرأه عليه ولكن أجازه وإذا لم تكن مقترنا بالإذن فهي ليست من الرواية لأنه دفعه إلى التلميذ دفعة مجردة. Donc ici, quand Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit, chapitre, ce qui est mentionné au sujet Al-Munawala, le don, on va le traduire par le don, et de l'ouvrage scientifique des gens de science qu'ils envoient dans les divers pays. Ici, comme ont expliqué les gens de science, c'est qu'on va trouver deux manières ou deux façons de rapport de hadith d'un savant. C'est-à-dire qu'on va trouver deux autres manières qui montrent qui montre que celui qui rapporte un hadith, il lui est autorisé deux manières de rapporter ce hadith. La première manière, c'est al-munawala. Et al-munawala est, c'est que le cheikh, le professeur, va donner son ouvrage qu'il a composé, ou un ouvrage qui lui fut donné de ses professeurs à son élève. Et il va permettre, il va autoriser à son élève de rapporter ce qu'il lui a donné. Et donc le cheikh, il doit mentionner ses propos qui est « Oh un tel », c'est-à-dire son élève, « prends ce livre et transmets ce livre de ma part. » Et transmet ce livre de ma part. Et celui donc qui aura eu ce livre, l'élève, c'est-à-dire l'élève dira, il m'a été rapporté d'un tel en m'ayant donné ce livre. Et donc, on comprend qu'ici, l'élève n'a pas lu ce livre, mais simplement le savant, son professeur, lui a permis, il lui a autorisé de transmettre ce livre. Mais si maintenant le savant ou le professeur ne lui autorise pas de transmettre, alors auprès des gens de science, ceci ne sera pas considéré comme un rapport de hadith ou d'ouvrage, étant donné que le shir, le professeur, lui a remis simplement ce livre sans aucune mention. Ceci est le premier, donc la première manière, la première façon. Al-thani, al-babu thani, al-kitabatu, al-kitabatu, wa huwa, wa hiya, an yaktuba alimun ila tilmidhin, bi umurin muayyana. فيقول التلميذ حدثني فلان فيما كتب إلي ويذكر اسمه من فلان إلى فلان الأمر كذا وكذا. Et donc la deuxième manière, c'est al-kitaba, c'est-à-dire l'écriture. Et ici, qu'est-ce que l'écriture? C'est que le savant va écrire tel et tel ouvrage à son élève. Il va écrire tel et tel ouvrage à son élève. Et donc, l'élève, à ce moment-là, dira, on m'a transmis, il m'a été transmis d'un tel, en m'ayant écrit cela et cela. Et donc il mentionnera, l'élève devra mentionner le nom de son cheikh et celui qui a rapporté à son cheikh, ainsi de suite. Et il devra mentionner également ce qui est écrit. Wal adillatu ala sihhatil kitaba, et les preuves qui montre cette manière, que cette manière est permise. Huwa hadithu amir al-sariya, fa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dafa'ahu aw dafa'a kitaban ila li amir al-sariya fa qala lahu la taqra'hu حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس وتلقون عنه. Et donc les preuves de l'authenticité de l'Écriture, que cela est permis. La première preuve, c'est le hadith de l'émir de l'escadron. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé un livre et lui a dit, ne le lis pas jusqu'à ce que tu atteignes tel et tel endroit. Et lorsque il a atteint tel et tel endroit, donc l'émir, le chef de l'escadron, il l'a lu aux gens. Et les gens qui étaient en son compagnie, donc, l'ont accepté. Ceci est la première preuve. والدليل الثاني هو كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم البحرين وغيره فكانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها إلى الآفاق أو إلى الأقطار فتقرأ عليهم وتقوم بهم الحجة على المكتوب إليهم. Et donc la deuxième preuve, c'est les livres du prophète, les messages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les messages, les prophètes ou les livres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait envoyés dans divers pays. Ceci tient de preuve ou est une preuve qui est fournie à celui dont il lira ce message ou ce livre. Donc ceci montre donc qu'il est permis que celui qui rapporte ou qu'il était permis que celui qui rapporte le hadith puisse utiliser une de ces deux manières. Et donc ensuite, البخاري رحمه الله تعالى أدي وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. الآفاق هنا الشام ومصر واليمن. Et donc ici ensuite Al-Bukhari rahimahullah a dit, Anas a dit, Othman, donc Ibn Affan radiallahu anhu, a retranscrit les masahif. Al-Masahif est le pluriel de Mus'haf. Le Mus'haf, c'est le livre où est enfermée la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc, il les a retranscrits et il les a envoyés dans divers pays. Il les a envoyés en Égypte, l'Irak, l'Irak, le Yémen, le Yémen, Washam, Sham, c'est la Palestine, la Syrie, la Jordanie. Il les a envoyés. Fa lamma jama'a an-nas 'ala harf wahid min ahruf as-sab'a وهي التي تشتمل على القراءة والمصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه فهي تشتمل على القراءة ولكن تشتمل على حرف واحد من أحرف السبعة وهي اللغة المتعددة واعلموا في أول الأمر أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وهذا الأدلة على ذلك موجودة فقد جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف وجاء في رواية عند الطبراني في معجمه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف كلها شاف كاف. فالقرآن في أول الأمر أنزل على سبعة أحرف، وهنا سبعة أحرف بمعنى سبع لغات، سبع لغات. وعندما اختلطت الألسنة فخشي عثمان بن عفان رضي الله عنه الاختلاف، فصار الناس على حرف واحد، فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تجمع المصاحف على مصحف واحد، بل على حرف واحد، وهو لغة قريش، وأحرق ما سواه. فنزول القرآن على سبعة أحرف من أجل التخفيف ومن أجل التيسير. ولما ادعى الخلاف فالاكتفاء على حرف واحد، فيزيل الاختلاف ويمضي الاتفاق. فلهذا قال العلامة أو ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، وذكر الدليل 99 وهو جمع عثمان بن عفان على حرف واحد. Et donc, ici, quand Othman, radiallahu anhu, il a retranscrit, donc, al-masahif, comme on a dit, donc c'est le pluriel de mushaf, qui est donc le livre où est renfermée la parole d'Allah azza wa jalla. Et ensuite, il les a envoyés dans divers pays. Ceci, c'est lorsque, donc, Othman ibn Affan, il a réuni les gens pour une seule lecture. Pour une seule lecture concernant le Coran. Une seule lecture parmi les 7 lectures qui ont été révélées. La lecture que nous lisons, elle englobe 7 récitations. Elle englobe 7 récitations. Et ces 7 récitations se trouvent dans les différents masahif qu'on trouve dans certains pays. Nous lisons le Coran le plus souvent par la récitation qui est Hafs. Mais il existe d'autres récitations. Par exemple, dans le Maghreb, le plus, ils lisent le Coran en Warsh, qui est une autre récitation. Et il en existe encore d'autres. Mais ici, donc Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il a réuni les gens autour d'une seule lecture. Et cette lecture, elle renferme les récitations que nous lisons. Et donc, ici, il faut savoir que lorsque le Coran, au début, a été révélé, il a été révélé selon 7 lectures. Nous, on n'en connaît qu'une. Les autres, nous ne les connaissons pas. Le grand savant, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Athaymin, rahimahullah, a dit que nous connaissons qu'une, nous est parvenue, et les autres, on n'a pas connaissance. Mais il faut savoir qu'il y a des hadiths authentiques montrant que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran selon ces 7 lectures. Les preuves, vous les trouvez dans Sunan Abi Daoud, dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans le Jami' de Tirmidhi, et même aussi dans le Mu'jam de Tabarani. Ces ahadiths ont été authentifiés, vous pouvez les trouver dans le livre Sahih al-Jami', c'est la correction de Cheikh Mohammed ibn Nasser al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran a été descendu selon 7 lectures. Il est rapporté donc par Abu Daoud, Tirmidhi, Ahmed. Et dans une variante rapportée par Tabarani, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran a été descendu par 7 portes, selon 7 lectures. Toutes ces lectures sont des remèdes. C'est-à-dire des remèdes, comme vous le savez, par la parole d'Allah Azza wa Jal, on peut guérir les personnes. On appelle un ruqiyya. Et donc, toutes ces lectures sont des remèdes. Et toutes sont suffisantes. Et donc, lorsque, donc, au début, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, a vu, donc à son époque, que beaucoup de gens commençaient à embrasser l'islam. Et quand ils ont, ces personnes, embrassé l'islam, c'était des personnes ne parlant pas la langue arabe. Et donc, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il a eu peur de la divergence, c'est-à-dire que les personnes divergent concernant les lectures. Il a eu peur. Il a donc réuni les gens sous une seule lecture. Il s'est limité à une seule lecture. C'est pour cela qu'il a ordonné de réunir tous les masahif. Il a ordonné de les réunir et il a imposé aux gens de lire le Coran sous une seule lecture. Et il a ordonné de brûler toutes les autres. Et donc, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran selon 7 lectures. Pourquoi ? C'était pour faciliter. Pour faciliter les gens. Mais lorsque la divergence entre les gens est apparue, Othman ibn Affan radiallahu anhu s'est limité à une seule lecture. Il s'est limité à une seule lecture. Afin de quoi ? De faire disparaître le désaccord entre les musulmans et que les musulmans soient tous unis. Et donc, c'est pour cela qu'il y a un très grand savant qui s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, son livre qui s'appelle I'lam al-Muwaqqi'in. Dans ce livre, il a cité 99 preuves montrant ou indiquant ou signifiant qu'il faut empêcher tout moyen pour que les musulmans soient en désaccord. Pour que les musulmans soient en désaccord. Et donc, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, comme on a vu, il a réuni les gens sous une seule lecture. Pourquoi ? Comme on a vu, afin donc de faire disparaître le désaccord entre les musulmans. Et que les musulmans soient unis sous une même lecture. Et ce grand savant, la 99e preuve, il a cité le fait qu'a accompli Othman ibn Affan, radiallahu anhu. ثم قال وراء عبد الله بن عمر ويحنى بن ساعد ومالك ذلك جائز أي الرواية بالكتابة جائزة. Et donc ensuite, Al-Bukhari rahimahullah a dit, عبد الله بن عمر, que vous connaissez, c'est donc un compagnon, رضي الله عنه, et يحيى بن ساعد, qui est un tabi'i, rahimahullah, Malik, Malik ibn Anas, rahimahullah, ont jugé qu'il était permis de rapporter le hadith seulement par l'écriture, c'est-à-dire sans avoir écouté la personne. Ensuite, il a rajouté, il a dit, Al-Bukhari, rahimahullah, « وَاحْتَجَّ بَعْدُ أَهْلِ الْحِجَاجِ فِي الْمُنَاوَلَا بِحَدِثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » Et donc, il a dit que certains gens de science, c'est-à-dire des gens de science de la péninsule arabique. Et ici, Al-Bukhari, rahimahullah, il signifiait son chef, son professeur qui se nomme Al-Humaydi, rahimahullah. Al-Humaydi, le professeur d'Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il s'est argumenté de cela, par quoi? Par le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a écrit au chef ou au guide de l'escadron. Et donc ensuite, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité deux hadiths. Il a cité, il a rapporté deux hadiths pour s'argumenter, donc du titre de chapitre qu'il a mentionné. Et donc le premier hadith, on a vu que Abdullah ibn Abbas a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « ba'atha bi kitabihi rajulan » que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme avec un livre, par son livre, et il lui a ordonné de le remettre au gouverneur du Bahreïn. Et le gouverneur du Bahreïn l'a remis à Kisra. Donc ici, Azim al-Bahreïn tabi'un li Kisra. Vous voyez, le gouverneur du Bahreïn, il était sous l'autorité de ce gouverneur qui s'appelle Kisra. فَلَمَّا رَآهُ مَزَّقَهُ. Et donc, lorsqu'il l'a lu, فَلَمَّا قَرَآهُ مَزَّقَهُ. Lorsqu'il l'a lu, il l'a déchiré. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ كُفْرِ الْمَجُوسِ وَالْكُفَّارِ متفاوتون في الكفر كلهم من أهل النار ولكن أشد بعضهم بعضا فهناك فرق بين ما حصل بين قيصر وكسرى فلما جاء الكتاب إلى قيصر احتفظ به واحترمه ووقره وأما كسرى فمزقه كلهم كفار ولكن قيصر من أهل الكتاب ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين فرحوا بانتصار الروم على الفرس لأنهم أخف. يقول الله عز وجل في بداية سورة الروم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Et donc ici, Kisra, lorsqu'il a lu la lettre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a envoyée, il l'a déchirée. Donc ceci montre la dureté ou montre la gravité, plutôt, la gravité de la mécréance de cette personne. Les mécréants, dans la mécréance, ils sont de divers degrés. C'est-à-dire que certains, dans la mécréance, sont plus mécréants que d'autres. Mais tous, ce sont des mécréants et ce sont des gens de l'enfer. Pour comprendre cela, il y a eu une différence entre Caïsar, qui est l'empereur de Romain, de Rome, et entre celui-ci, Kisra, qui est l'empereur des Perses. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé à l'empereur de Rome une lettre, l'empereur romain, a préservé cette lettre. Il a même pris attention. Il l'a respectée. Contrairement à l'empereur des Perses, Kisra, qui l'a déchiré. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé dans sa parole que les croyants se sont réjouis, que les croyants ont été contents, ils se sont réjouis lorsque les Romains ont vaincu les Perses. Pourquoi ? Car les Romains étaient moindres que les Perses. C'est-à-dire moindres, c'est-à-dire qu'ils étaient moins dangereux ou moins virulents que les Perses. Et c'est pour cela que vous pouvez lire, c'est dans Sourate Ar-Rum, au tout début, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront vainqueurs. Dans quelques années, l'ordre appartient à Allah avant et après. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Les croyants se réjouiront. Et donc ensuite, Sayyib a dit, j'ai pensé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux, c'est-à-dire Azim al-Bahrain et Kisra. Et l'invocation qu'il a faite, il a demandé à Allah azza wa jalla qu'il désintègre leur royauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé. Car on a vu que les Romains, on vient de citer, que les Romains ont vaincu les Perses. Thumma, ذكر الحديث الثاني. Donc le deuxième hadith, lorsque Anas ibn Malik a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit un livre. Huna al-ma'na. آمر بكتابه لأن الله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبتلون أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كاتب ولكن أسند إليه لأنه آمر به لا لكونه مباشر. Et donc ici, lorsque Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit un livre. Le sens, ce n'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit un livre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on écrit un livre. Car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Ni il ne lisait, ni il écrivait. La preuve, vous l'avez dans Surat al-Ankabut, l'araignée. Allah Azza wa Jal dit وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ. Et donc Allah Azza wa Jal dit et avant cela, tu n'écrivais et avant cela, tu ne récitais aucun livre et ni tu en écrivais de ta main droite. Car ceux qui nient la vérité auraient des doutes. Donc ce verset est clair et explicite pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas écrire. Donc le sens ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on écrive. Il a légué, donc il a légué à une personne l'écriture, mais ce n'est pas lui qui a écrit. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit. Ensuite, أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ ختما من فضة نقشه محمد رسول الله. Ensuite, il a dit à Anas ibn Malik, ou bien il désirait écrire et on lui a dit, il, c'est-à-dire les personnes à qui était destiné le livre ou le message, ils ne lisent le livre que s'il est tamponné. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une bague en argent où était gravé Muhammadun Rasulullah. Fi had al-khatan maktoub thalathatu sutur satru al-awwal Muhammad satru al-thani Rasulu وَالسَّطْرُ الثَّالِثِ اللَّهِ. Et donc, la bague que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris était gravée Muhammadun Rasulullah. Muhammad, le messager d'Allah. C'est en trois lignes. Trois lignes. La ligne du bas était gravée Muhammad. La ligne du milieu, Rasulu. Et la ligne du haut, Allah. Il faut toujours que le nom d'Allah soit le plus élevé. Et فهنا أو هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الخاتم للحاجة ولا يقال أن لبس الخاتم سنة. Et donc maintenant, ceci est important. Ici, dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une bague en argent. Et cette bague qu'il a pris en argent, il l'a utilisée, pourquoi ? Pour un besoin. Ce besoin, on vient de le voir, c'était pour tamponner, pour cacheter le livre ou le message qu'il envoyait. Et donc, on ne peut pas dire, comme l'ont dit les gens de science, comme l'a dit Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahallah, et également Cheikh Mohamed Ibn Salah Al-Uthaymin, rahimahallah, que prendre une bague, mettre une bague, est une sunna. Porter une bague, ce n'est pas la sunna. Walakin, يرى بعض أهل العلم يجوز أو جواز اتخاذ الرجال الخاتم من أجل التزين الياسر فلهذا أهل العلم أورد هذا الحديث في كتاب اللباس والزنا مثل النساء في سننه. Mais maintenant, certains gens de science ont dit il est permis à l'homme, aux hommes, de porter une bague afin de s'embellir légèrement. De s'embellir légèrement. Mais c'est certains gens de science qui l'ont dit. Et c'est pour cela qu'on trouve dans des livres comme par exemple Sunan al-Nasa'i, que al-Nasa'i, rahimahullah ta'ala, il a composé un chapitre, et ce chapitre, il l'a nommé le livre du vêtement et de l'ornement. Et sous ce chapitre, il a évoqué, il a rapporté ce hadith. Donc la moindre chose qu'on puisse dire, qu'il est permis, mais simplement pour s'embellir légèrement. Mais maintenant, pour dire que c'est une sunna, non. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de le voir, il n'a simplement utilisé cette bague que pour un besoin, qui était donc de cacheter, de tamponner le message qu'il envoyait aux divers dirigeants. Fa afwan li ta'akhkhur, donc excusez-moi pour le retard. Fa naktafi bi hadha al-qadar wa insha'Allah sanastamiru ma baqiya min هذا الحديث في الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك